Oh. Thank you. Avec le kick, ça c'est pas une grosse voix là. Ouais, mais ils l'ont pas fait. Tu veux jouer, tu peux le faire. Il y a quelqu'un qui joue là. Oui, bah là, tu vois, il y a le bassiste qui joue là. Donc, ça, là, je peux faire chez moi de jouer tout seul la basse. Non, mais toi, regarde. Mais c'est quoi alors la valeur ajoutée là ? Il y a le piano qui commençait à chercher sur le truc. D'accord. Là, tu restes deux minutes, tu vois, ça va se lancer. C'est un buzz en fait, c'est le. Tu vois, les mecs, il a un truc, si les autres ils l'ont pas. Et c'est des boucles de 16, alors tu définis ça. Oui, en fait, ça, c'est ça, ce que t'as vraiment, il l'a joué avant. 16 clics avant. D'accord. Et en fait, le tempo, la durée du cycle, tout ça, en fait, c'est un système de vote. Donc, quand tu veux changer, tu proposes un truc, et en fait, si personne répond, ça marche. Donc, si un mec qui dit non, ça marche pas. Donc, c'est pour lancer un truc, fais ta ligne, et si quelqu'un joue sur ta ligne, pour relancer ta ligne. Non, non, tu fais, tu joues. Ouais. Tu joues ton truc, tu restes droit, machin. Et tout le monde se calme petit à petit, ça se bâtit et ça vient tout ça. Et quand tu veux jouer, changer de tonalité, alors tu prends. Ça merde. Le joueur là. D'accord, c'est du gros baf, mais c'est sympa après, le principe est. Merde, je fais des gens, c'est cool. Attends, pas parce qu'ils entendent de se passer sur le micro du PC, ils nous entendent. Ah, voilà. C'est mieux. Non, mais c'est sur le PC, je peux pas m'en. Sur la table, toi, je peux m'en tout ça. Bah oui, le mec, il dit, je représente pas. C'est français, c'est Double Bass, c'est un français, ouais. Je sors à ça en plus. Quoi. Donc là, voilà, c'est. Thank you.